Chapitre 5. Détermination. Mrs. Hale exposa longuement à sa fille les plans qu'elle venait de former pour adoucir pendant l'hiver le sort des pauvres de la paroisse. Marguerite ne pouvait s'empêcher d'écouter ses projets, qui cependant lui navraient le cœur. Elle serait bien loin de Helstone lorsque viendrait la gelée. Le vieux Simon souffrirait de ses rhumatismes et deviendrait peut-être tout à fait aveugle. Qui lui apporterait de la flanelle rouge et de la soupe grasse? Qui lui ferait la lecture quand elle aurait quitté le presbytère? Personne, peut-être, et le vieillard attendrait vainement qu'elle revînt dans sa masure. Le petit garçon boiteux de Marie Donville se traînerait en vain à la porte du cottage pour regarder à travers les arbres si elle n'arrivait pas. L'enfant et le vieillard, tous ses pauvres amis, ne comprendraient jamais pourquoi elle les avait abandonnés. « Ton père a toujours dépensé le revenu de la cure dans la paroisse, » lui dit sa mère. « J'empiète peut-être sur l'avenir, mais il est probable que l'hiver sera très rude, et il faut tâcher que nos pauvres n'aient pas trop à en souffrir. »« Oui, maman, faisons pour eux tout ce qui nous sera possible, » répondit Marguerite avec ardeur, oubliant toute prudence. « Peut-être ne resterons-nous pas ici bien longtemps. »« Seras-tu malade, ma chérie ?» s'écria Mrs. Hale avec inquiétude, se méprenant sur le sens des paroles de Marguerite. « Tu es pâle et fatiguée. C'est l'air humide et malsain de la forêt. »« Non, maman, au contraire. Jamais je n'en ai respiré de meilleur. Il semble si pur et si suave quand on sort de la fumée de Harley Street. Mais je suis fatiguée. N'est-il pas bientôt l'heure d'aller se coucher ?»« Pas encore. Il n'est que 9h30. Cependant, tu seras mieux dans ton lit, mon enfant. Demande à Dixon de te faire de l'eau de gruau. « J'ai peur que tu ne te sois enrhumé, ou que tu n'aies pris la fièvre en passant près des étangs. »« Rassure-toi, » dit Marguerite. « Je ne suis pas du tout malade. Ce n'est rien qu'un peu de fatigue. » Elle monta dans sa chambre, avala un bol de gruau pour calmer les craintes de sa mère, et elle avait la tête languissamment appuyée sur l'oreiller quand Mrs. Hale vint l'embrasser quelques instants après et savoir de ses nouvelles avant d'aller se coucher à son tour. Mais dès qu'elle eut entendu fermer la porte de sa mère, elle sauta du lit, jeta un manteau sur ses épaules et se mit à marcher de long en large dans sa chambre jusqu'au moment où l'une des feuilles du parquet vint en craquant lui rappeler qu'elle ne devait pas faire de bruit. Elle alla se pelotonner dans le fauteuil que contenait la profonde embrasure de la fenêtre où elle était venue s'asseoir le matin. Son cœur avait alors sauté de joie en voyant tomber sur la tour de l'église un rayon de soleil qui présageait un beau jour. 16 heures après, elle se retrouvait à la même place, trop accablée par le chagrin pour pleurer, et sous l'empire d'une morne souffrance qui semblait avoir pour toujours chassé de son cœur la jeunesse et la gaieté. La visite de Mr. Lennox, la demande qu'il lui avait adressée, lui paraissait un rêve, un fait complètement en dehors de son existence. La seule chose qui lui sembla réelle, c'était l'hérésie de son père, ses doutes qui avaient ébranlé la foi du prêtre, qui en faisait un schismatique, un banni. Elle regarda la vieille tour de l'église, dont la silhouette quadrangulaire se découpait sur le sombre azur de la nuit. Ses yeux, qui découvraient sans cesse de nouvelles profondeurs, n'apercevaient plus aucun signe de divinité. La terre, entourée d'une voûte de plomb, derrière laquelle eût brillé la gloire du Tout-Puissant, lui aurait paru moins désolée que sous cette immensité de l'espace, dont la sérénité pleine de ténèbres semblait se railler de sa douleur et placer entre elle et son Dieu un voile plus impénétrable que l'obstacle matériel qui aurait borné sa vue. Les cris et les sanglots des malheureux d'ici-bas devaient-ils donc s'élever à travers l'infini de ce désert splendide et se perdre à jamais avant d'avoir pu arriver au trône du Créateur? C'est au milieu de ces pensées douloureuses que son père vint la surprendre. Il entra sans bruit dans sa chambre, et la lune lui permettant de voir qu'elle occupait sa place accoutumée, il s'approcha et lui mit la main sur l'épaule avant qu'elle se fût doutée de sa présence. « Marguerite, lui dit-il, j'ai entendu le bruit de tes pas, et je n'ai pu résister au désir de te demander si tu voulais prier avec moi. Récitons ensemble l'oraison dominicale, nous nous en trouverons bien tous les deux. » Ils s'agenouillèrent devant la fenêtre. Mr. Hale leva les yeux au ciel. Marguerite baissa humblement les siens et courba son front sous la honte qui venait de la saisir. Elle sentait que le Seigneur était avec eux, écoutant la prière que lui adressait un cœur pur. Son père pouvait être un hérétique, mais dans son désespoir, n'avait-elle pas tout à l'heure élevé ses doutes jusqu'à Dieu même? Elle ne proféra pas une parole, et quand son père l'eut quittée, elle se glissa dans son lit, comme un enfant honteux de la faute qu'il a commise. Le monde fut-il rempli de problèmes effrayants? Qu'elle aurait désormais une confiance inébranlable dans la bonté divine. Elle demandait seulement à voir chaque jour la route qu'elle devait suivre, afin de satisfaire à la tâche qu'elle devait accomplir. Mais Lennox et la proposition qu'il lui avait faite, proposition que les derniers événements du jour avaient si violemment éloignée de sa mémoire, reparurent dans ses rêves dès qu'elle fut endormie. Il grimpait à un arbre d'une hauteur fabuleuse pour atteindre la branche où elle avait jeté son chapeau. Il tombait, elle se débattait pour courir à son secours, mais une main invisible et puissante la retenait à sa place. Il était mort, et cependant, se retrouvant tout à coup dans le salon de Harley Street, elle lui parlait comme autrefois, tout en ayant la conscience qu'il avait été tué par cette horrible chute. Nuit fatigante et douloureuse, triste préparation au jour qui allait s'ouvrir. Elle s'éveilla en tressaillant, brisée par le sommeil fébrile, et avec le pressentiment d'une réalité plus douloureuse que le rêve auquel elle venait d'échapper. Le souvenir lui revint tout à coup, non seulement la douleur qu'elle avait ressentie la veille, mais l'inquiétude poignante que lui donnait cette pensée. Jusqu'où son père s'égarait-il, entraîné par des doutes qui, suivant elle, n'avaient pu lui être inspirés que par le démon? Elle brûlait de le demander, et cependant elle redoutait de le savoir. L'air piquant du matin et le soleil qui brillait partout avaient donné à sa mère une bonne humeur exceptionnelle. Ce jour-là, Mrs. Hale se trouvait heureuse et bien portante. Elle parla tout le temps du déjeuner, de ses projets d'aumône pour les pauvres du village, sans faire attention au silence de son mari et sans remarquer les monosyllabes que Marguerite lui disait pour toute réponse. Mr. Hale se leva dès qu'il eut fini, avant même que l'on eût enlevé les assiettes, et posant une main sur la table, comme pour y chercher un point d'appui. « Je ne reviendrai que ce soir. Je vais à Bracy, où je demanderai à dîner au fermier Dobson, et je ne rentrerai pour prendre le thé que vers 7 heures. » Il ne regarda ni sa femme ni sa fille, mais Marguerite avait compris ce qu'il voulait dire. Il fallait qu'avant son retour, elle eût informé sa mère de ce qu'elle avait à lui apprendre. Mr. Hale aurait attendu pour cela jusqu'à 6h30. Mais Marguerite n'était pas de la même étoffe que son père. Elle avait hâte de délivrer son esprit du poids dont il était chargé. Mieux valait en finir tout de suite. La journée d'ailleurs ne serait pas assez longue pour consoler sa mère. Tandis qu'elle était près de la fenêtre, se demandant de quelle façon elle entrerait en matière, et attendant que la servante eût débarrassé la table et quitté la salle à manger, sa mère était allée chercher son chapeau et son châle pour faire sa visite à l'école du village. Mrs. Hale descendit bientôt, complètement équipée, et toujours d'aussi bonne humeur que pendant le déjeuner. « Veux-tu venir faire un tour de jardin avec moi, un seul ?» lui dit Marguerite en passant un bras autour de la taille de sa mère. Elles franchirent la porte vitrée, qui était ouverte. Mrs. Hale dit quelque chose à sa fille. Si on avait demandé à Marguerite de quoi parlait sa mère, elle n'aurait pas pu répondre. Elle vit une abeille qui entrait dans une fleur profondément tubulée, elle se dit à elle-même « Quand cette abeille reparaîtra chargée de son butin, ce sera le signal et je commencerai. » L'abeille sortit. « Maman, s'écria-t-elle aussitôt sans se donner le temps de réfléchir, nous allons quitter Hailstone. Mon père abandonne le sacerdoce et va demeurer à Milton du Nord. » « Qu'est-ce que tout cela signifie ? » demanda Mrs. Hale d'un air surpris et incrédule. « Qui est-ce qui t'a dit de pareilles sottises ? » ?»« Papa lui-même. » répondit Marguerite, qui aurait bien voulu trouver quelque chose de consolant à dire, mais qui ne savait littéralement que répondre. Elles étaient auprès d'un banc de gazon. « Je ne te comprends pas, » dit Mrs. Hale en s'asseyant et en se mettant à pleurer. « Il faut que tu aies mal entendu, mon enfant. Ce ne peut être qu'une méprise. »« Non, maman, je suis sûr de ne pas me tromper. Mon père a écrit à l'évêque que des doutes fort graves, qu'il avait conçus depuis longtemps, ne lui permettait plus d'appartenir à l'Église d'Angleterre, et qu'il résignait son bénéfice. Il a consulté Mr. Bell, le parrain de Frédéric. Vous le connaissez, maman, et nous allons à Milton du Nord C'est une chose décidée. » Mrs. Hale regardait Marguerite en l'écoutant, et l'expression de son visage disait assez qu'elle croyait enfin aux paroles de sa fille. Cependant, elle répondit après quelques instants de réflexion, « Cela ne peut pas être. Il m'en aurait parlé très certainement avant d'en venir là. » Marguerite comprit aussitôt que son père avait commis une faute en l'instruisant la première d'une détermination aussi grave, et que sa mère devait souffrir d'apprendre par sa fille le changement de position qui avait été résolu pour elle sans qu'elle en fût instruite. « Nous avions si peur de vous faire de la peine, » répondit Marguerite en s'asseyant auprès de sa mère et en la pressant contre son cœur. « Papa redoutait pour vous le chagrin que vous aurez fait éprouver la lutte qu'il soutenait contre lui-même. Vous n'êtes pas bien forte, et l'attente à quelque chose de si pénible, surtout en pareille circonstance. » « Depuis quand le sais-tu, Marguerite ?»« Depuis hier seulement, » répondit la jeune fille en devinant la jalousie qui avait dicté cette question. « Pauvre père, » ajouta-t-elle, pour détourner les pensées que Mrs. Hale concentrait sur elle-même. « Que veut-il exprimer en disant qu'il a conçu des doutes ?» répliqua cette dernière. « Il ne peut pas croire assurément qu'il possède à lui seul plus de lumière que toute l'Église ensemble. » Marguerite secoua la tête, et les larmes lui vinrent aux yeux. Sa mère avait touché la plaie vive de son cœur. « Est-ce que l'évêque ne peut pas répondre à tout cela et faire cesser les doutes qui le tourmentent ?» demanda Mrs. Hale d'un ton légèrement irrité. « J'ai peur que non, » répondit Marguerite. « Je ne veux pas même le demander. Je souffrirais trop d'entendre ce qu'il pourrait me répondre. D'ailleurs, tout est fini, c'est une affaire réglée. Nous quittons Hailstone dans 15 jours. » « Je crois lui avoir entendu dire qu'il avait envoyé sa démission à l'évêque, mais je n'en suis pas bien sûr. »« Dans 15 jours ?» s'écria Mrs. Hale, dont les larmes recommencèrent. « Voilà qui est singulier, cruel même, pour ne rien dire de plus. Il change d'opinion, résigne son bénéfice, tout cela sans me consulter. S'il m'avait parlé tout d'abord de ses doutes, j'aurais bien su les empêcher de grandir et les faire disparaître. J'espérais que vous auriez été bien aise de quitter ce pays-ci, maman. L'air ne vous en a jamais convenu, » répondit Marguerite, qui savait bien que la réserve de son père n'avait eu d'autre origine que la crainte d'affliger sa femme, et que si Mr. Hale manquait de résolution, il était loin d'être cruel. Tu ne crois pas, j'imagine, que l'air d'une ville de fabrique, où il n'y a que de la boue et de la fumée, soit préférable à celui d'ici, qui, pour être énervant, n'en est pas moins très pur. « A-t-on jamais vu quelqu'un s'installer dans un pays d'industrie au milieu d'une population d'ouvriers ?»« Il est vrai que si ton père quitte l'église, nous ne serons plus admis nulle part. Ce sera un tel déshonneur pour nous tous. Pauvre sœur John, il est bien heureux qu'il soit mort. Lui qui, chaque jour après le dîner, buvait à la santé de l'église et du roi et à la chute du parlement. » Marguerite se réjouissait de voir l'esprit de sa mère se détourner de la question principale et oublier le silence qu'on avait gardé vis-à-vis d'elle pour ne songer qu'à des riens auxquels il était facile de répondre. Nous avions ici bien peu de société, chère petite mère. Les Gorman, qui sont nos plus proches voisins, et que nous visitions à peine, ont été dans le commerce, ni plus ni moins que les personnes que nous trouverons là-bas. Certainement, dit Mrs. Hale, d'un ton presque indigné. Mais les Gorman ont fait des voitures pour des gens bien nés, avec lesquels ils ont eu forcément des relations, tandis que ces manufacturiers... Qui est-ce qui achète du coton pouvant porter de la toile? Je t'abandonne les filateurs et les marchands de calicot. Je ne défends pas les commerçants, quel que soit leur trafic. Je dis seulement qu'on peut se dispenser de les fréquenter. Mais qu'est-ce qui a pu déterminer ton père à se fixer à Milton? D'abord, dit Marguerite en soupirant, la différence que cette ville présente avec Hailstone. Puis, Mr. Bell lui a dit qu'elle offrait des ressources à quiconque voudrait donner des leçons de littérature. Des leçons de littérature à Milton? Pourquoi, s'il veut être professeur, ne va-t-il pas à Oxford instruire des gentlemen? Vous oubliez, chère maman, que s'il abandonne le Saint-Ministère à cause de ses doutes, ses opinions dissidentes le serviraient fort mal à Oxford. Mrs. Hale continua de pleurer sans répondre. Et le mobilier? Reprit-elle enfin. « Comment vais-je faire, moi qui n'ai jamais déménagé de ma vie, et n'avoir que 15 jours pour songer à tout cela ?»« Marguerite, complètement soulagée de voir le chagrin de sa mère descendre jusqu'à ces menus détails qui ne l'inquiétaient nullement, répondit que rien n'était plus facile et promit de se charger de tout ce qu'il y aurait à faire. Elle saisit cette occasion de parler de choses et d'autres relatives à leur voyage et à leur installation, et ne quitta pas sa mère de la journée, se pliant au moindre caprice de la pensée de Mrs. Hale, afin de ne pas l'aigrir davantage. Redoublant surtout ses efforts quand vint le soir, pour que son père trouvât un bon accueil en rentrant de sa pénible tournée. Elle venait de reparler de tout ce qu'il avait dû souffrir pour garder ce secret dont il était accablé, espérant que sa mère serait touchée de ce tableau. Mais celle-ci avait répondu froidement qu'il aurait dû, sinon la consulter, puisqu'il ne l'avait pas trouvé convenable, du moins prendre l'avis de quelqu'un d'éclairé, avant de faire un pareil coup d'état. Marguerite se sentit défaillir en entendant les pas de son père qui venait d'entrer dans le vestibule. Elle n'osait pas aller à sa rencontre et lui dire ce qu'elle avait fait, dans la crainte de réveiller la jalousie de sa mère, dont la figure et les lèvres tremblantes indiquaient assez qu'elle avait également reconnu le pas de son mari. Mr. Hale ouvrit la porte du salon et resta sur le seuil, ne sachant s'il devait avancer. Il était pâle, et avait dans le regard quelque chose de craintif et de douloureux, quelque chose de misérable à voir sur le visage d'un homme. Mais cette indécision, cette langueur morale et physique, émurent profondément sa femme. Elle courut à lui, et se jetant dans ses bras, « Oh, Richard, Richard !» s'écria-t-elle, « pourquoi ne me l'avoir pas dit plus tôt ?» Marguerite, tout en larmes, se sauva dans sa chambre, où elle se jeta sur son lit et cacha sa figure sur l'oreiller, afin d'étouffer les sanglots convulsifs qui éclataient malgré elle, après la contrainte qu'elle s'était imposée depuis la veille. Combien de temps dura cette crise? Elle n'aurait pas pu le dire. Elle n'entendit même pas la servante qui venait faire les préparatifs du soir. La pauvre fille, tout effrayée, sortit de la chambre sur la pointe du pied et alla rapporter à Mrs. Dixon que Miss Marguerite pleurait à fendre l'âme, qu'elle se rendrait malade bien certainement si elle continuait à sangloter ainsi. Il en résulta que Marguerite sentit, quelques instants après, que quelqu'un la touchait avec précaution. Elle se mit sur son séant et reconnut Dixon, qui tenait la chandelle un peu en arrière, dans la crainte de blesser les yeux gonflés de sa jeune maîtresse. « C'est vous, Dixon. Je ne vous ai pas entendu venir. Est-ce qu'il est bien tard ?» dit Marguerite en cherchant à recouvrer son sang-froid et en écartant de son visage ses cheveux noirs mouillés de larmes. « Je ne sais pas à l'heure qu'il est, » répondit la vieille bonne d'une voix presque irritée. « Depuis que votre maman m'a dit ces terribles nouvelles pendant que je l'habillais, je ne sais plus comment je vis, et je ne sais pas davantage ce que nous allons devenir. » « Quand Charlotte m'a dit que vous sanglotiez si fort, Miss Marguerite, ça ne m'a pas étonné. Pauvre créature. Et monsieur, qui à son âge s'en va devenir dissident. Je ne dis pas qu'il aurait eu tort s'il n'avait jamais été un bon prêtre. J'ai un cousin qui s'est fait prédicateur méthodiste à l'âge de 50 ans. Il était tailleur de son état et n'avait jamais pu faire un pantalon qui alla bien depuis le temps qu'il était dans le métier. Ce n'était donc pas étonnant. Mais notre maître, comme je le disais tout à l'heure à madame, qu'aurait pensé le pauvre Sir John? Il n'a jamais été content de votre mariage. Mais s'il avait su que Mr. Hale devait en arriver là, miséricorde, il en aurait trouvé des jurons pires que jamais, si c'eût été possible. » La vieille bonne était trop habituée à commenter les actions de Mr. Hale devant sa maîtresse pour remarquer l'œil étincelant et la narine frémissante de la jeune fille dont ce langage révoltait l'orgueil et la tendresse. « Vous oubliez, » dit-elle de cette voix grave que lui donnait l'émotion et qui vibrait comme le roulement lointain du tonnerre, « vous oubliez, Dixon, devant qui vous parlez? Je suis la fille de Mr. Hale. Sortez. Vous venez de faire une étrange méprise, et je ne doute pas que votre cœur ne vous le reproche quand vous y aurez songé. » La pauvre femme restait toujours, allant et venant dans la chambre d'un air irrésolu. « Laissez-moi, Dixon, » répéta Marguerite. « Je désire que vous sortiez. » Dixon ne savait pas si elle devait se fâcher ou pleurer. Elle aurait fait l'un ou l'autre si elle avait été avec Mrs. Hale, mais elle se dit en elle-même « Miss Marguerite a dans le caractère quelque chose du vieux gentleman, comme ce pauvre Mr. Frederick. Je me demande où ils ont pu prendre ça. » Et la vieille bonne, qui de la part d'une personne moins altière, n'aurait certainement pas supporté les paroles qui venaient de lui être adressées, reprit d'un ton à moitié piqué, à moitié soumis. « Voulez-vous me permettre de dégrafer votre robe et d'arranger vos cheveux, miss ?»« Je n'ai pas besoin de vous. Partez, vous dis-je. » Et Marguerite reconduisit gravement la vieille bonne et verrouilla sa porte. Depuis lors, Dixon admira Marguerite et lui obéit aveuglément. « Elle le faisait, disait-elle, parce que Miss ressemblait à ce pauvre Mr. Frédéric, mais en réalité parce qu'elle aimait, comme tant d'autres, à se sentir gouvernée par une nature énergique et puissante. Pendant plusieurs jours, cependant, elle crut de sa dignité de montrer à sa jeune maîtresse, en lui répondant à peine, qu'elle avait eu conscience de l'affront qui lui avait été fait. Mais Marguerite avait plus besoin d'action que de paroles. Une quinzaine est bien peu de choses pour un déménagement, et comme le dit une fois Dixon, un gentleman aurait compris. Mais saisissant le regard sévère que lui lançait Marguerite, elle remplaça la fin de sa phrase par une quinte de toux et prit humblement les gouttes d'esprit de corne de cerf que lui offrait la jeune fille pour calmer son irritation de poitrine. Elle avait cependant raison. Quiconque aurait eu un peu d'expérience aurait compris qu'il était difficile de trouver en si peu de temps, à Milton ou ailleurs, une maison où l'on pût déposer le mobilier qu'il fallait nécessairement porter du presbytère. Mrs. Hale, accablée par l'inquiétude et le tourment que lui donnaient tous les embarras qui lui arrivaient à la fois, en tomba réellement malade. Ce fut, à vrai dire, pour Marguerite une sorte de soulagement quand sa mère, se mettant au lit, lui abandonna la direction de tout ce qu'il y avait à faire. Dixon, fidèle à son poste, ne quittait sa jeune maîtresse que pour aller de temps en temps dans la chambre de Mrs. Hale, d'où elle sortait bien vite, en secouant la tête et en marmottant des paroles que Marguerite aurait préféré ne pas entendre. Quant à cette dernière, la seule chose qui fut claire à ses yeux, c'était la nécessité de quitter Helstone. Le successeur de Mr. Hale était nommé. Il pouvait arriver d'un instant à l'autre. D'ailleurs, il fallait arracher son père le plus tôt possible d'un endroit où le chagrin des adieux augmentait chaque jour son abattement. La pauvre Marguerite, peu au courant des affaires et de la pratique de la vie, n'ayant personne qui pût lui donner un conseil, pourvoyait bien, dans son admirable bon sens, à toutes les difficultés de l'emballage et à tous les embarras du départ. Mais elle ignorait les projets de son père quant à l'installation qui devait succéder à leur déménagement. Où irait-il en partant du presbytère? Serait-ce à Milton qu'il se rendrait immédiatement? Comme il était indispensable qu'elle le sût pour prendre certaines dispositions, elle résolut d'en parler à son père. « Trop de choses m'ont préoccupé, répondit celui-ci, pour que j'aie rien pu décider à cet égard. Qu'en pense ta mère? Que désire-t-elle? Pauvre Maria! » « Ma pauvre maîtresse, » dit en gémissant la vieille bonne qui entrait au même instant, et dont le soupir faisait écho à celui de Mr. Hale, qui la protégeait par sa présence contre la sévérité de Marguerite. « Vous ne la trouvez pas plus mal ce soir, Dixon ? » demanda-t-il en se retournant vivement. « Je ne pourrais pas vous dire, monsieur. Ce n'est pas à moi d'en juger. Madame est bien plus malade d'esprit que de corps, du moins à ce que je suppose. » Mr. Hale parut extrêmement désolé. Portez à ma mère sa tasse de thé pendant qu'elle est chaude, dit Marguerite avec calme et d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Je vous demande pardon, miss. J'y vais tout de suite. Je ne sais plus où j'en suis lorsque je pense à ma pauvre madame. C'est l'incertitude qui augmente ses ennuis et les vôtres, mon père, dit Marguerite lorsque Dixon fut parti. Ma mère souffre nécessairement de tout ce qui arrive. Surtout du changement qui s'est opéré dans vos opinions religieuses. Nous ne pouvons pas éviter cela, mais il serait possible d'enlever à ses pensées l'amertume qui ajoute une attente pénible et l'ignorance où elle est de ce que vous voulez faire. Si je connaissais vos projets, il me serait facile de l'y intéresser et de la distraire ainsi des pensées qui l'inquiètent. Est-ce à Milton du Nord que nous allons tout de suite? Y avez-vous loué une maison ou en avez-vous une en vue? « Non, mon enfant. Je pense que nous pourrons trouver un appartement où nous logerons tout d'abord, pendant que nous chercherons à nous installer définitivement. » Il faut, dans ce cas-là, emballer les meubles de manière qu'ils puissent rester au chemin de fer jusqu'à ce que nous ayons une maison. Je le suppose. Fais pour le mieux. Rappelle-toi seulement que nous aurons désormais fort peu d'argent à dépenser. Marguerite savait bien qu'il n'avait jamais eu beaucoup de superflu. Elle sentait de quel poids était la responsabilité dont elle se trouvait chargée tout à coup. Il y avait 4 mois à peine. Les seules déterminations qu'elle eut à prendre se bornaient à décider quelle serait la robe qu'elle mettrait le soir ou les personnes qu'il faudrait inviter à dîner. Grande affaire où elle ne faisait qu'apporter son concours et dont la chère Edith prenait sur elle la décision suprême. D'ailleurs, dans la maison de sa tante, rien n'exigeait qu'on s'en préoccupât. Tout s'y faisait avec la régularité d'une horloge, et la demande en mariage de sa cousine par le capitaine avait été la seule chose qui eût exigé quelques réflexions pendant tout le temps qu'elle avait passé chez Mrs. Shaw. Il s'élevait bien tous les ans une discussion assez longue entre Edith et sa mère, afin de décider si l'on irait à l'île de Wight, en Écosse, en France ou en Allemagne. Mais à cette époque, Marguerite se rendait paisiblement au presbytère et ne se mêlait en rien de cette affaire importante. Maintenant, depuis la visite de Mr. Lennox, qu'il avait mise en demeure de trancher une question grave, chaque jour apportait quelques difficultés à résoudre, quelques résolutions à prendre, et d'autant plus sérieuses qu'il s'agissait du repos et du bien-être de ceux qu'elle aimait le plus au monde. Après avoir fini de prendre le thé, Mr. Hale monta chez sa femme pour y passer quelques instants. Quand il revint au salon, il trouva Marguerite penchée sur la carte d'Angleterre qu'elle avait été chercher dans la bibliothèque. « Je viens, lui dit sa fille, de tracer un plan que vous approuverez, j'en suis sûr. À peine s'il y a l'épaisseur de mon doigt entre Milton et une petite ville où j'ai entendu dire que les gens du Nord vont prendre les bains de mer et qui est, dit-on, fort agréable. Ne pourrions-nous pas y envoyer ma mère avec Dixon, pendant que vous et moi nous chercherions une maison, où elle reviendrait quand tout serait prêt à la recevoir? L'air de la mer lui fera du bien, et nous pouvons nous en rapporter à Dixon qui la soignera de tout son cœur. » Est-ce que Dixon vient avec nous? Demanda Mr. Hale, tout effrayé. Certainement, dit Marguerite. Elle en a bien l'intention. Et je ne sais pas ce que ma mère deviendrait si elle ne l'avait plus. Mais nous serons obligés de modifier complètement notre manière de vivre. Tout est si cher à la ville. Dixon ne pourra plus y avoir toutes ses aises, et à te parler franchement, il m'a toujours semblé qu'elle se donnait des airs de grandeur qui ne seront plus de mise dans notre humble maison. C'est vrai, mais elle nous est fort attachée, et si elle consent à supporter un genre de vie tout différent de celui qu'elle a eu jusqu'à présent, ne pourrons-nous pas tolérer ses grands airs? L'un est encore moins difficile que l'autre. Je suis sûr qu'elle serait désolée de nous quitter, surtout dans un pareil moment. Et je crois que nous devons l'emmener avec nous autant par considération pour sa fidélité que par amour pour ma mère. Qu'elle vienne donc, si tu penses que cela vaut mieux. Je suis résigné à tout. Mais comment s'appelle cette ville dont tu parlais tout à l'heure? Heston. Et à quelle distance se trouve-t-elle de Milton? Car l'épaisseur de ton doigt ne m'en donne aucune idée. 30 000 environ, ce n'est pas beaucoup. Non, quant à la distance. Mais n'importe. Si tu crois que cela fasse du bien à ta mère, c'est une chose entendue. Marguerite pouvait maintenant agir avec certitude, et Mrs. Hale oublia son chagrin en pensant à la joie d'aller passer quelque temps sur le bord de la mer. Son seul regret était que Mr. Hale ne put pas y venir pendant une semaine ou deux, comme à l'époque de leurs fiançailles, où il avait passé 15 jours avec elle à Torquay, chez Sir John et Lady Burstford, où elle demeurait alors.